Ici le chef du 4e district, je suis en position au métro Concorde. J'ai pas assez de cars pour embarquer tous les manifestants. Un détachement de gendarmerie va arriver. On n'a plus de cars. Nous vous envoyons des bus de la RATP. C'est le commandant du 3e groupe de compagnie. Nous avons parqué dans le tunnel du métro environ 500 Algériens. Des journalistes et des photographes du journal L'Aurore sont sur les lieux. Ils veulent prendre des photos. Il ne faut pas que le service d'ordre soit pris en photo. Ne laissez pas prendre des photos qui pourraient nous nuire. Nous venons de recevoir un appel d'un de nos agents qui se trouve à Saint-Michel. 500 manifestants, emmenés par une femme, remontent en direction de la place, en scandant « Algérie algérienne ».